à Sifu pour l'écouter. 89.1. Cette semaine, on met le top show. Dans Télévision, Télé-Québec diffuse, rappel, des émissions en anglais pour la communauté anglophone. Dans Merci Science, un hybride homme-mouton est obtenu en laboratoire. Dans Cilix, Google développe une intelligence artificielle capable de rédiger des articles de Wikipédia. Et Frédéric Simon viendra changer de jeu vidéo dans d'un autre gamer à un autre. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui dont l'intelligence est naturelle, mais sans agent de conservation, dans le sens qu'il se rappelle de rien. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 19 février 2018, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la section Science, Technologie et Médecine, Merci Science et le segment Geek CNX dans quelques minutes. Par contre, ce sera la rubrique sur les jeux vidéo d'un autre gamer, un autre avec Frédéric Simon qui est avec moi en studio. Salut Frédéric. Allô Mathieu. Je me suis ennuyé de toi. Ben moi aussi, je me suis ennuyé. Oui, ça fait bien plaisir de te voir. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je voulais faire un tour d'actualité au départ. Je me suis dit, mais il n'y a pas grand-chose dans l'actualité du jeu vidéo ces temps-ci. Donc, on va parler de plein de choses, entre autres de speedrun, mais peut-être une rumeur aussi. Tu fais ta patineuse. Je fais ma teaseuse. C'est ça. Bon, ben on en parle tantôt ensemble, mais avant ça, en chiptune, on a débuté l'émission avec une très courte pièce, 17 secondes, par J-Rad. C'était HyperQuest 2 Title, une petite chanson pour un jeu de fan de Sonic. Et on continue ça avec l'album Streets of Resistance par Too Mellow. C'est un album de remix. Et on écoute la première pièce. C'est Bare Knuckle featuring Crime Mob. Tout de suite au Mathieu Plante Show. Right up, keep up, right up. La musique de Yoshiro. Yuzo Koshiro. Suis of Resistance, c'est le nom de l'album. Remix album by Tumelo. M'as fait comprendre, Frédéric Simon, que c'est un hommage à... C'est un jeu, c'est le jeu Streets of Rage. Streets of Rage. En fait, il dit, le compositeur Tumelo, ben pas le compositeur, en fait, le remixer, dit que c'est un album à message pour être résistant envers Donald Trump. Donc, Resist, c'est pour ça Streets of Resistance. C'est des rappers et des vedettes du R&B qui jouent par-dessus la musique de Streets of Rage. Voilà. Maintenant, on entendra une autre pièce tantôt de ça, mais avant ça, c'est d'un autre gamer à un autre. Ok, là pour d'un autre gamer, un autre, salut! Allô! T'es là pour nous remixer l'actualité peu nombreuse. Ben écoute, j'ai fait le tour de quelques sites d'actualité de jeux vidéo et pas grand-chose d'intéressant. On parle de certains packs encore qui sont ajoutés. Du téléchargement. Par exemple, ouais. Sur Monster Hunter, sur... Rocket League, sur PlayerUnknown Battleground. Ouais. Est-ce que tu les télécharges, les DLC, quand il y en a sur les jeux c'est que tu as déjà? C'est très rare ouais. Que je télécharge les DLC, surtout parce qu'ils sont pour la majorité payants. Ben c'est ça, je veux dire, t'as déjà payé le play prix pour le jeu, puis après ça, faut que tu repayes pour avoir des affaires que t'aurais peut-être dû avoir dès le départ. Mais bon, ouais. Hein, c'est comme ça. Mais bref, oui. Par contre, ce que j'ai trouvé sur ces sites d'actualité-là, c'est une rumeur concernant Super Smash Bros. OK. Et la Switch. Oh! Donc, il y a une insider, Emily Rogers, qui a sorti beaucoup de nouvelles concernant Nintendo, qui disait, en fait, qui affirmait deux choses. Un Smash Bros. Sera annoncé et commercialisé sur Switch cette année. OK. Mm-hmm. Et que Nintendo a ajouté du nouveau contenu et modifié du contenu déjà présent dans la version originale sur Wii U. Donc, on sait pas encore si ça va être un nouveau jeu ou si ça va être une adaptation du jeu Wii U. Le jeu sur Wii U, c'était au moins... C'était un nouveau jeu. C'était original sur la... Ouais. Donc, ce serait encore un autre remake, mais la Switch a déjà assez le remake. C'est pas officiel non, encore. On veut pas d'ailleurs, ça. D'ailleurs, il y a rien d'annoncé concernant Super Smash Bros. C'est des rumeurs. Ouais. Mais... C'est une insider normalement assez fiable. Ouais. Ça fait combien d'années, celui sur la Wii U? C'est une bonne question. 15, 14, j'ai envie de dire. Ouais, faudrait faire la vérification. Smash Bros. Mais pendant ce temps-là, il y a... C'est pas rare que Nintendo annonce ses jeux relativement tard. Donc, on pourrait penser qu'il y a un Nintendo Direct prévu en juin. Ouais. Et sinon, il y a le E3 en 2018 qui s'en vient. On attend peut-être une nouvelle fuite ou d'autres précisions. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est une rumeur comme quoi Smash Bros. S'en viendrait sur Switch. C'est 2014 pour la version Wii U, donc 4 ans entre les deux. Je pense qu'ils ont probablement eu le temps d'en faire un nouveau, espérons-le. Mais on dit qu'il y aurait ajouté du nouveau contenu ou modifié du contenu déjà présent. Tant qu'à ça, faites un nouveau jeu. Ben c'est ça. Hein, mais en même temps, le jeu n'a pas énormément évolué si on part du 64. Non. Le principe va rester quand même le même. C'est ça, et les personnages probablement pas mal les mêmes aussi. Et on s'entend qu'à chaque fois qu'on parle de Nintendo Wii U, on dit que personne n'a acheté la Wii U. Donc ça va être nouveau pour bien des gens, ce jeu-là. Eh oui. Donc peut-être, on verra. On verra. Peut-être. Mais quand même, ce jeu-là était aussi présent sur 3DS. Oui, aussi, sorti dans les mêmes coins, en septembre 2014 pour la 3DS et novembre 2014 pour la Wii U. Mais une autre console qui voulait disparaître la 3DS, malheureusement. Ben, c'est ça, ils ont beau dire le contraire chez Nintendo, mais pour l'instant, ils sortent que des versions remaniées de la même console. Sans cesse, la même chose, mais... OK, plus de 3D, OK. J'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois que je suis... Je sais, mais... Pour faire ma rubrique. Ta rubrique. ton cube Rubik, ça serait le fun, ton logo de chronique serait comme un cube Rubik. Ah, Rubik. Tu l'appelles un cube Rubik. On va faire ça, un logo avec... Peut-être des icônes de manettes. Oui, ben parce que les couleurs d'un cube Rubik, c'est la même chose que les manettes de Super Nintendo version européenne et japonaise. Ouais. Intéressant. Ouais, bref. Sinon, je voulais peut-être faire un mini-bref retour. Mini-bref. Mini-bref, OK. C'est tout. Merci. Ben, sur ma présence au LAN ETS, dans le fond, pour le marathon No Reset, parce qu'on a assisté à un exploit quand même remarquable. de la part d'un joueur dont le game tag c'est Parisian Player. Parisian Player. Ok, ok. Joueur parisien. Ok, oui. je pensais que c'était person comme dans genre personne. Non, non, Parisian. Parisian, ok. Qui a fait, tu connais le jeu Street Fighter 2, The World Fighter, ouais, ouais. Sur Super Nintendo. Mais il a fait les yeux bandés à la difficulté la plus élevée. Le tout en 27 minutes. Tu le connaisses vraiment par cœur. Hein? Oui, c'est beaucoup de stratégies adaptées pour chaque combat. Et l'oreille, j'imagine, pour entendre les coups des autres. Oh oui, c'était une de ses préoccupations parce qu'il y a beaucoup de Q audio. Ouais. Veux pas, c'est le seul Q qu'il y a. C'est un gros travail de mémorisation, puis après ça, de connaître tous les patterns possibles pour les ennemis, puis faire comme, ok, je sais pas trop ce qui se passe, je vais m'adapter à cette situation-là. Il a battu son temps personnel par plus de 5 minutes en live, donc c'était vraiment impressionnant. Il a eu droit à de choses applaudissantes. J'imagine. Tout le long de la partie, j'imagine que personne ne pouvait parler pour qu'il puisse s'entendre. Il y avait des écouteurs. Il y avait ses écouteurs, puisque, veux pas, le LAN NTS, c'est pas que le coin speedrun. Donc, il y avait beaucoup d'événements qui se passaient. Il y a l'orchestre de jeux vidéo qui a joué. Oui. Est-ce que c'était un bon? Peu plus loin. C'était bon. Qu'est-ce qu'ils ont joué? Ils ont fait des pièces de Super Smash Bros, justement. Melee, l'introduction. Ils ont fait une pièce de Zelda aussi. C'était bon, j'ai écouté au loin parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant aussi en même temps du côté du speedrun. Donc, c'était vraiment plaisant. Mm-hmm. Est-ce que tu as joué à quelque chose, toi? J'ai refait les Power Rangers. Oui, c'est vrai, tu l'avais dit pour la troisième fois à ce marathon-là. Vous prenez souvent les mêmes jeux dans ces compétitions-là, non? Pour être sûr d'être de plus en plus meilleur. Hein? Ben, c'est que c'est mon jeu de prédilection. J'avais soumis à autre chose, j'avais soumis Pokémon Gold. Ah? Le faire. Je me rendais jusqu'à l'Elite Four parce que je voulais pas prendre trop de temps non plus. La run avec. Se rendre jusqu'à Red, c'est environ 4 heures que ça m'aurait pris. Donc j'avais soumis autre chose pour me rendre à faire le jeu en 3 heures. Ça n'a pas été pris. Ils ont préféré prendre les Power Rangers encore une fois. C'était plus impressionnant à regarder. Bah, peut-être. Ouais. C'est sûr que en glitchless, donc sans exploiter le jeu est un peu moins dynamique, Pokémon. Par contre, notre ami Rock Généreux a fait Pokémon Blue. Ah, bon. Cette fois-ci, en exploitant le jeu et en brisant le code. Donc, il a terminé, je crois, je l'ai juste ici. Rock Death. Hein. Rock, c'est ça. Oui, c'est son game tag. En 23 minutes 16. Quand même, donc, quand même. Et ça a été fort drôle. Ouais, divertissant. J'étais sur le sofa à l'arrière à commenter. Et si vous voulez voir les reprises, c'est déjà disponible, je pense, sur YouTube. Allez voir No Reset Marathon. Toutes les runs ont été en fait disponibles en VOD. Mm-hmm. Ils mettent encore. Vidéo on demand, hein, c'est ça. Ils mettent encore ça sur YouTube. Il n'y a pas juste Twitch. Là. Je pensais que la communauté Twitch était vraiment comme. Non, c'est fermé. Disponible sur Twitch aussi en highlight, mais le highlight peut aussi être exporté sur YouTube. Okay. Donc les deux sont disponibles. Good. Sinon, encore dans le monde du speedrun. Il y a un tournoi qui s'organise tranquillement pas vite au mois d'avril sur un jeu de NES, Chip and Dale Rescue Ranger. J'ai tellement aimé ce jeu-là quand j'étais jeune, pour vrai, c'est vraiment le fun. Si ça vous tente de vous initier au monde du speedrun, que vous aviez les moyens de streamer, parce que ça va être une course diffusée live sur Twitch, ben vous pouvez aller vous inscrire sur la page Facebook de Ben Retro Show. Okay. Allez chercher ça. Il y a tous les détails sur sa page. Puis prenez participation, on s'inscrit, puis c'est vraiment une initiation au speedrun, donc il va y avoir des runners qui sont plus expérimentés, veut pas. Moi, je me suis inscrit, j'ai jamais joué au jeu. bon. Donc, faut bien commencer, hein, à quelque part. Faut bien commencer, donc je vais me pratiquer, puis rendu là, ben, gagne-père, ben, on va avoir du plaisir. Trompe-toi pas, là, avec les Chip and Dale, puis les Chip and Dale. Les danseurs, attention. Inscris-toi à bonne affaire, l'adresse courriel, Hotmail, si on sait jamais, tu sais, Hotmail ou Hotmails, you know. On sait pas. Non, allez sur Ben Retro Show, vous vous tromperez pas, c'est assez clair. Puis peut-être pour terminer, il y a eu l'exploit qui a eu lieu, on a eu reset avec faire le jeu Street Fighter les yeux bandés, mais ça m'a inspiré. J'allais checker s'il n'y avait pas d'autres exploits un peu impressionnants dans le monde du jeu vidéo. Puis il n'y en a pas. Ben, oui, mais je suis tombé sur un top 20 et il y a des choses un peu insolites du fait que, par exemple, la plus longue peine de prison pour avoir joué à un jeu vidéo, il y a un Anglais qui a été condamné à 4 mois de prison parce qu'il jouait à Tetris sur son téléphone portable en avion. Ah, ben oui, l'avion. Ouais, il faut se mettre en mode avion. Pour se mettre en mode avion. Est-ce que tu peux jouer à Tetris hors ligne de nos jours? Je ne sais sûrement pas. Sûrement pas, ils sont tout le temps en train d'aller checker sur Internet. Mais enfin, les hôtesses de l'air ont donné de nombreux avertissements, puis il n'a pas voulu écouter. Mais quand t'es accro, t'es accro. Enlève pas pour Tetris. C'était sa vie, il faut croire à ça. Il s'est lui d'amener un vieux Game Boy à la place de jouer sur son sel, puis ça aurait été correct. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, il y a plein d'autres façons, là. Sinon, le plus jeune joueur professionnel, joueur vraiment catégorisé professionnel, il avait 6 ans quand il a commencé. Wow! OK. 6 ans, t'es rendu où? Est-ce que t'es au primaire à 6 ans? Tu commences le primaire? Tu commences la première année à 6 ans. Fait que tu sais, t'achètes tes études à crayon, tout ça, puis t'es déjà un pro des jeux vidéo. Ah, mais ça dit pas lequel? Ou plusieurs, on sait pas. On sait pas. À quelle console, on mais sait pas. Mais monsieur rien. Victor de Léon 3. Ah, oh boy, c'est un prince en plus. C'est son nom, en tout cas. Alors, je suis. Il y en a maintenant, en fait, il doit être maintenant plus âgé que ça parce que je crois que l'article ben, date quand même un peu. Tu vieillis, il disait qu'il y avait 12 ans maintenant, mais je pense que l'article date un peu déjà, donc il doit être rendu pas loin de 18. Mais bon, il a commencé, il était catégorisé joueur professionnel à 6 ans. Il devait pas jouer au Xbox, première du nom, avec la grosse manette, ses mains étaient trop petites pour ça. il tapait ses boutons. C'est ça. le plus petit tapis de danse pour Dance Dance Revolution. Ok, des records pour n'importe quoi, ouais. Okay. Oui. C'est pour ça que les doigts, ça là. Oui, vas-y. En effet, tapis de 10 cm par 11 cm, ne pèserait que 20 grammes. Je suis sûr que tu peux faire plus petit que ça. Probablement. Pour le gars de 6 ans, ça va être parfait, ça. Mais je trouve ça drôle, tu sais. T'as ton clavier, mais tu préfères jouer avec ton petit tapis. Juste pour looker, tu sais. Juste pour pouvoir genre avoir du bling, je sais pas, une petite bague en or pour faire ton rapper. Puis il y avait, tu sais, comme je te disais que la vidéo est peut-être, pas la vidéo, mais le top 20 est peut-être pas up-to-date. Ouais, ouais. Le temps le plus court pour finir Super Mario Bros, on parle de 20 minutes 2, mais le record est maintenant de 19 minutes 4 environ. Ça a pas baissé tant que ça. Ben, c'est quand même... 29, t'as dit? 20 minutes 2, 20 minutes 2 et 19. 19. Ouais, c'est ça. Mais quand même une minute sur une run de 20 minutes. Ouais. On parle de centièmes de seconde à chaque fois. Là. Oui, là, en fait, là, on parle de frame maintenant dans Super Mario. Oh, excuse-moi, OK, c'est pas donc, des fractions de seconde. Des frame rule à cette heure, parce que... En tout cas, c'est compliqué. 30 images seconde, non? Oui, le fait que... Il y a un joueur qui s'appelle Darbin qui l'explique vraiment mieux que moi sur on YouTube. Bol. On va lui envoyer l'extrait après. Il compare les frame rules à un autobus qui passe. Okay. Et pour passer d'un frame à l'autre, d'une image à l'autre, ben faut que tu attrapes l'autobus ou tu prends le prochain. Et chaque frame rule, c'est 3,5 secondes. Donc, si tu manques un frame rule, ben, t'es obligé de passer au prochain. Okay. Donc, 3,5 secondes plus tard. Et donc, chaque fois que le temps est amélioré d'environ 0,3,5 secondes. Wow! Parce que ça s'améliore que d'un frame rule, tellement c'est rendu avancé. Aïe, aïe! OK. Eh ben, je serais curieux de voir cette vidéo-là, si jamais tu la retrouves, pour aller la mettre sur la page. Oui, je te l'enverrai. Du contenu! On aime ça, c'est contenu. Du contenu. Sinon, il y avait la liste des jeux les plus vendus. Mm. Et ça aussi, c'est dépassé. Mais en tête de liste, on trouve justement... Notre cher anglais serait content. C'est Tetris. Hey! On ne se surprend pas parce que, évidemment, c'est sorti sur plusieurs plateformes. 170 millions de jeux de Tetris. Il y a tellement vendus. De versions sur toutes les consoles. Mm-hmm. Certains meilleurs que d'autres. Hein. J'ai essayé de jouer à Tetris sur le téléphone. C'est pas pareil. Il faut des boutons. Oui. Ouais. Et en deuxième position, ça m'a surpris un peu, Minecraft. OK, OK. Qui est aussi sur plusieurs plateformes. Ouais. 144 millions. Fort. Il y a des imitations maintenant. C'est quoi, Dragon Forge Hunter's Quest? Il y en a des... En ce moment. Il y a Ark aussi qui est... Ark. Quel nom de marre. Okay. Oui. Qui est un peu un style forge dans lequel... Mais là, tu évolues aussi. Tu construis tes choses. En troisième position, un jeu vraiment beaucoup plus récent, dans un style complètement différent aussi, Grand Theft Auto V, à 90 millions de copies vendues sur plusieurs plateformes encore une fois. Encore plus impressionnant, au quatrième rang. Mais ça, c'est parce que ça venait avec la console. Ah, ben, c'est pas juste ça. Wii Sports. Hey boy! 82 millions. Mais c'est fou comment ils ont beaucoup vendu de Wii versus la Wii U. C'est une fraction, là, oui. Ah, c'est... infinité décimale. C'est ça! Mais Wii Sports, disons que... tu fais le tour vite, hein? Oui. C'est le fun! Oui. Quelques instants. Ouais. Pour jouer en famille, faire rire un mononcle en le plantant au bowling. Ouais. Ça a brisé beaucoup de télé, ça, c'est la Wii. Oui, surtout avec au des début, ongles sous. Ouais. Attachez votre dragon, les amis. Oui, dragon. Est-ce qu'il y a encore des gens qui disent ça, dragon? Je ne sais pas. Hein, je trouvais ça drôle quand j'ai ouvert la boîte. Puis c'est quoi une dragon? Ah, ouais. Ben c'est ça. Ben, maintenant, j'utiliserai plus jamais ce mot. Non, j'imagine tellement genre une émission à Radio-Canada, genre dans l'œil du dragon. C'est juste genre des petits fils de manette de Wii qui se promènent, ça serait vraiment bon. Mm. Puis, tiens, pour compléter le top 5, parce qu'on fera pas toute la liste, parce que c'est... Hey, on a le temps. On a le temps? Hey, oui. Ah, ben tiens, on va faire un, mettons, top 10. OK. Top 5. Moi, tu pars quand tu veux, tu restes aussi longtemps que tu veux. Bon, ben écoute, je vais sortir la liste complète. C'est ça. Je pars à 5 heures. Et la date de sortie et des faits intéressants sur chacun des jeux, s'il te plaît. Numéro 5, Super Mario Bros. À 40 millions de copies. Donc, le Super Mario Bros. Original. Ça venait avec ça aussi, une fois de temps en temps, mais il vaut sa place dans la liste. Oui, mais de toute façon, okay. Dans ce jeu, un des jeux les plus... la copie la plus reproduite, ouais. Avec la version avec Duck Hunt. C'est ça, j'allais dire, Duck Hunt, t'es pas dans le palmarès, hein? Hein? Il se retrouve 14e. Hey! Mais on se rendra pas jusqu'à on là. On se rendra pas jusqu'à là. Ben, je vais me rendre jusqu'à Duck Hunt. Ok, parfait. C'est un bon but, ça. En 6e position, Mario Kart Wii. Ouais, ben ouais. Okay. Oh, oui. Pas mon Mario Kart préféré du tout. Ben moi non plus. Non. Hein. C'est probablement un de mes pires. Ben je peux pas dire pire parce que c'est un excellent jeu, mais c'est certainement celui lequel. Voyons, j'ai bien de la misère à parler, moi. C'est celui auquel j'ai moins joué. Ouais, c'est ça. Ben, il y a comme rien de vraiment accrocheur sur ce jeu-là, je trouve. Tu sais, c'est la perfection de la formule Mario Kart, là, mais il y a rien de... Il y a pas de petit twist, tu sais. C'est le fun des petits twists. Oui. Oui. Ben, c'était l'apparition de la moto, quand même, dans celui-là. T'as raison. Ça allait plus vite que les précédents aussi. Je pense que ça avait un 200, quelque chose, c'est ça. Le 200, je pense qu'il est apparu sur Wii U. 150. Mais ça... en 7e position, un jeu très récent, PlayerUnknown's Battleground. Tout le monde parle de ça, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu style Battle Royale. Okay. Donc on te lance sur une île et tu as rien. Tu dois looter, trouver de l'équipement et c'est le dernier survivant. Est-ce que tu construis une radio avec des noix de coco? Non. Avec des ginger ale. C'est déjà dans un style moderne, donc c'est comme des villes abandonnées. Un territoire abandonné, donc il y a des caisses, il y a des banques, des caisses populaires. Des caisses en style de boîte. Ah oui, ok. Sinon, des armes qui traînent par terre dans les maisons. Évidemment. Ça se passe aux États-Unis, non? Quand le politique, mais... sinon, il y a des armures, il y a des véhicules qui sont à la disposition des joueurs. Et sinon, ben, il y a un cercle qui rétrécit. Si t'es pas dans le cercle, ben, tu perds de la vie jusqu'à mourir. Donc, c'est pour pas. Pour faire en sorte qu'il y ait un joueur qui se cache pas dans un coin de l'île qui reste une demi-heure à. Ce serait plate. C'est ça, évidemment. 8e position, donc. T'attendais que je fasse un gag sur Charles Lafortune vu que t'as parlé du cercle, c'est ça? Oh, Charles non. Lafortune va venir te chercher. Ah ouais, viens-t'en. Absolument non, pas, okay. Mais maintenant qu'on en parle, écoute. En 8e position, mais un peu dans le même style que Wii Sports. Wii Sports Resort avec le Motion Plus qui était sorti, qui tellement marchait différent. À moitié. C'est ça. Et après ça, ben en fait, bon, ben on va l'intégrer dans les manettes de Wii. Hein, tu sais, peut-être qu'il aurait pu juste sauter l'étape de rajouter sur les anciennes manettes. T'sais. Welcome to Nintendo. Et voilà, c'est accessoire de plus. 9e position, un excellent jeu, Pokémon Red and Blue. Oui. Là, ils ont inclus les deux ensemble. À 30... Donc Mauve, c'est ça. Pokémon Mauve. Pokémon Mauve à 31 millions de copies. Mais personne ne l'a vraiment acheté, parce que ça n'existe pas, Pokémon Mauve. C'est, ça. C'est ça. Mais il y a Pokémon Vert, par contre, qui est sorti au Japon. OK. Qui n'a jamais été importé. Ben, tu peux trouver des cassettes quand même importées, justement, mais qui n'a jamais été développé en Amérique du Nord. Parfait pour les pêcher, ça. Pokémon Vert. Avec ta cassette. C'est ça. C'est un bruit de pêche, oui. Pikachu. En 10e position, un jeu de DS, New Super Mario Bros. Oh, ça c'est le début de la série des nouveaux, entre guillemets, depuis genre beaucoup trop longtemps. Oui. Le mot nouveau, utilisez pas ça dans les noms de produits, genre, pour le fun. Parce que c'est pas nouveau longtemps. Parce que c'est pas nouveau longtemps. D'ailleurs, en 11e position, New Super Mario Bros. Wii. Ouais, ok. Encore une fois, c'est pas la perfection du système. C'est la version sur Wii U est vraiment cool. La version sur la Wii, pas pire. Mais la version sur DS, je pense, c'est la best. Dans les New. Je pense que oui. Tu sais, en tout cas. 12e position, un autre jeu récent, The Elder Scrolls 5. Un mélange de 5 et de 5 en étant 5, Skyrim. Ouais. Donc à 30 millions de copies. Et encore une fois, à 30 millions de copies, en 13e position, Diablo 3. Mm-hmm. Donc disponible, commencé sur PC, mais maintenant disponible sur plusieurs plateformes. Mm-hmm. En 14e position, ben, là c'était Duck Hunt avec 28 millions de copies. Pas pire ça. Ça, j'ai goût de continuer. Ben là, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. En 15e position, on avait Wii Play. Ah, ok. Celui-là, il venait pas avec, par contre. Celui-là, il venait pas avec. Donc, hey, il y a eu des gens qui ont acheté Wii Play. Il y a des gens qui ont acheté Wii Play. J'avais acheté Wii Play. Ok, mais je pensais que c'était obscur au bout comme titre. Mais lui, il venait en package deal aussi avec une manette puis un Motion Plus. C'est ça, c'est le Motion Plus que les gens ont acheté en premier, je pense. Et non pas le jeu Wii Play spécifiquement. C'est probablement ça. Wow. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je voulais m'acheter une autre manette. Ouais. Ça venait avec le Motion Plus. Ah, ben il y a Wii Play avec. Quasiment gratuitement. Quasiment gratuitement. Ouais. Ah, ça a du sens. Mais il était quand même pas si pire aussi, ce jeu-là. Ça, c'est je pense que jouer de la batterie avec tes manettes dans les airs. Non, je pense que c'était des petits jeux, encore une fois, mais je me rappelle pas exactement. Mais je pense que... Je pense que tu joues de la musique dedans. Ça se peut, ça se peut. Saxophone. Blue. Mais j'ai préféré Wii Play à Wii Sports Resort. OK. Je trouve que Resort, ça apportait pas grand chose de plus à part pouvoir faire du tir à l'arc. Je pense que je mélange Wii Play et Wii. Il y avait pas un Wii Music? Attends un peu, là. Non, je cherche ça pendant que je continue la liste. En 16e position, un autre Grand Theft Auto, cette fois San Andreas, avec 27 500 000 copies. Et on continue après ça. C'est l'arrivée de Call of Duty qui fait son invasion dans le top 15 à 20. Mm-hmm. Call of Duty Modern Warfare 3 en 17e position. En 18e, Black Ops. En 20e, c'était Black Ops 2, donc autour du 25 millions de copies. Il se glisse à travers tout ça, ben, un autre Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 4, en 19e position avec 25 millions de copies. Mais j'en suis ça. Alors, en passant, oui, Wii Play, t'as raison, c'était une compilation de mini-jeux. Je l'ai mélangé avec Wii Music, qui était effectivement le jeu de musique. Ah, voilà. Ben voilà. Ah, Play. Ça veut-tu rien dire, Play? Ça peut vouloir dire jouer, peut vouloir dire musique, peut vouloir dire démarrer. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Donc, ça termine pas mal ma rubrique. Je vous rappelle d'aller voir, si ça vous tente de vous initier au speedrun, la page Ben Retro Show sur Facebook. Plusieurs personnes qui vont participer, moi-même, Samuel Girard. Le patineur, le joueur de hockey, le chroniqueur occasionnel. Et un des participants de Matière Noire, les mardis soirs, avec toi. Avec moi. Écoutez ça, mardi soir à 21h, Matière Noire. Merci beaucoup, Frédéric Simon. Merci à toi, Mathieu. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Bye. Oh, oh, oh. a migraine ship, and I'ma maintain. Nigga got $2 or $3 to my name, and my homies in the same boat, going through the same thing, ready for a cape. Steady plotting for the paper. We've been living in the dark since April, under candle. Gotta get a handle. My homie got a 25 automatic added to the gamble. Nigga, get the phone book, look up in the yellow page. Let me tell you how we finna get paid. We gon' order pizza when it's in the driver. We gon' stick the 25 up in his face. Let's ride. Stepping outside like warriors into the notorious south side. One weapon to the four of us, hiding in the corridor till we see the dominoes call headlights. White boy in the wrong place at the right time. Soon as the car door open up, he mine. We roll up quick and put the pistol to his nose. By the look on his face, he probably shitted in his clothes. You know what this is, this is pickup. Give me the dough from your pickups. You ran into the wrong niggas. We running down the block hot with these pizza boxes. And we split up and met back at the apartment. Hell yeah. Yo, ain't you hungry, my nigga? Hell yeah! You wanna get paid, my nigga? Hell yeah! Ain't you tired of starving, my nigga? Hell yeah! Well, let's ride in. Hell yeah! Hell yeah! I know a way you can get paid, you can get down, but you can't be afraid. Let's go to the DMV and get an ID. The name says you, but the face is me. Now it's your turn, take my paperwork. Like 1, 2, 3, let's make it work. Then fill out the credit card application, and it's gonna be about 3 weeks of waiting for American Express. The car, platinum, Visa, MasterCard. Cause when we was booked and shit, then we was targets. Now we just walk right up and say charge it. To the game, we rockin' brand names. Well known at department store chains. Even got the boys in the crew a few things. Popo never know who's the true blame. Stole after stole, you know we kept rolling. Wait 2 weeks, report the car stolen. Repeat the cycle like a laundromat. Like a glitch in the system, it's hard to catch. Coming out the mall with the shopping bags. So we can take it right back, then get the cash, yeah. Get a friend, then do it again. Damn right, that's how we pay the rent. Get this paper, I'm down for the caper. We steady on the grind. It's a daily struggle, we all gotta hustle. This is the way we survive. I know we can't fall, we can get some government paper. You know food stamps, can we really do that? Hell yeah, it's right there for the taking. Fuck welfare, we say reparations. And you know the grind, get up early, get on the line. And just wait, everybody on break, that's part of the game. And when they call your name, Miss Caseworker, let me state my claim. Jobless, times is hard, I'm about hopeless. But I gotta eat regardless, no family to run to. I'm 22, now tell me what the fuck am I supposed to do. My sad story made her feel close to me. I made it feel like it was an emergency. When I came to the crib, niggas couldn't believe I came back with a big bag of groceries. Every job I ever had, I had to get on the first day. I find how to pimp your system, 2 steps ahead of the manager. Getting over on the regular, tax-free money out the register. And when I'm working late nights, stocking boxes, I'm creeping they merchandise. And don't put me on dishes, I'm dropping them bitches. And taking all day long to mop the kitchen. Shit, we ain't getting paid commission, minimum wage, modern day slave conditions. Got me flipping burgers with no power. Can't even buy one on what I make in an hour. I'm not the one to kiss ass for the top position. I take mine off the top like a politician. Where I'm from, doing dirt is a part of living. I got miles to feed, dog, I got to get it. Hell yeah, you down the road, my nigga. Hell yeah, you better get your hands dirty, my nigga. Yes, Dreamers Never Die featuring Dead Prez. C'est de Industry Up featuring M.O.P. C'était tout ça par voyons, j'avais ça ici sur l'album Streets of Resistance. Oui, par Mellow, Too Mellow, voilà. Donc remix de Streets of Rage. C'est ce qu'on a appris de la part de Frédéric Simon, parce que dans l'article, ça le disait même pas. Je pense que l'auteur de l'article le savait même pas. Téléchargement gratuit de cet album-là sur bit.ly/barreknuck, B-A-R-E-K-N-U-C-K. Maintenant, c'est Television, Television. Television, mesdames et messieurs, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles. Et on commence avec un article de la presse qui nous raconte qu'après 50 ans, 50 ans après sa création, oui, Télé-Québec pourrait peut-être, si tout va bien pour ceux qui le demandent, diffuser des émissions en anglais destinées à la communauté anglo-québécoise. L'organisme English Language Arts Network, ELAN, qui regroupe 6000 artistes anglo-québécois, croit qu'on devrait faire ça. Elle suggère au CRTC d'imposer à Télé-Québec de consacrer 10% de son budget et de sa programmation à la communauté anglo-québécoise et un autre 10% aux communautés autochtones et culturelles. En vertu de cette proposition, Télé-Québec diffuserait ainsi des émissions en anglais qui pourraient être sous-titrées en français. ELAN estime que la diversité québécoise doit se refléter sur les ondes de Télé-Québec, la chaîne éducative financée par le gouvernement du Québec. La télé québécoise est pas mal blanche et francophone, dit Guy Rogers, directeur exécutif d'ELAN, en entrevue avec la presse. Il dit qu'il y a des efforts à faire pour changer. Le gouvernement Couillard n'a pas voulu prendre position sur la proposition d'ELAN sur Télé-Québec. Télé-Québec n'a pas souhaité commenter la proposition d'ELAN non plus. La Société d'État québécoise doit soumettre au cours des prochains jours au CRTC sa réplique visant l'ensemble des interventions, dont celle de l'ELAN, au sujet du renouvellement de sa licence. Télé-Québec a déjà diffusé des émissions éducatives pour enfants en anglais de 1980 à 2002, souvent en après-midi, donc il y a un précédent pour ça. ELAN estime que la proposition, qui a pour but d'établir un dialogue entre les communautés francophones et anglophones au Québec, devrait être considérée sérieusement par le CRTC. Et pour les 10% d'émissions consacrées aux communautés autochtones et culturelles, ELAN parle de contenu reflétant ces communautés. Les émissions sur ces communautés pourraient donc être diffusées en français. Il y a plein d'autres points apportés dans l'article de la presse. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Pendant qu'on parle du retour, je l'avais prédit, en fait, aussitôt qu'on a retiré l'émission des ondes, j'avais prédit, j'ai pas l'extrait, mais que je donnais 6 mois, 1 an avant qu'ils reviennent sur leur décision. Le retour de la guerre des clans s'est annoncé. Mais pas avec Jean-François Barry. C'est la nouvelle. Donc, nouvelle réalisation, nouveau logo, nouveau studio, nouvelle formule au complet pour la guerre des clans, évidemment, dont on parle ici. Plusieurs vont être heureux de ce retour-là. Le réseau avait décidé de mettre fin à l'émission en mai dernier. Certains fans en colère avaient signé une pétition afin que les dirigeants de la chaîne reviennent sur leur décision, même si V, à l'époque, avait dit que c'était une pause. Mais malheureusement, pour l'homme en question, Jean-François Barry, ce sera pas lui l'animateur, ça va être Jean-François Brault. Oui, le Jean-François Brault de Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, là. Il fait partie de l'équipe de V depuis quelques instants. Non, elle fait partie de l'équipe, Marie-Ève Janvier, parce qu'elle anime à L'amour est dans le pré. Lui, le gars, a participé à quelques émissions sur V. Ça, je m'en souviens de l'avoir vu. La guerre des clans subira une cure de jeunesse. Comme je disais tantôt, nouvelle réalisation, nouveau logo, nouveau studio. Ils vont proposer une version, dit-il, complètement remaniée, modernisée avec un nouvel éclat. Ça va être un plus grand studio qui va permettre d'avoir plus de public, d'accueillir plus de gens. Les 50 nouveaux épisodes, c'est pas tant que ça. De 30 minutes de La Guerre des Clans, réalisé par Sébastien Urtubiz et produit par Datsit Studio, seront présentés l'automne prochain sur V. On rappelle aussi que V a ramené Taxi Payant dans les dernières semaines, donc je pense qu'ils regrettent leur choix d'avoir retiré les émissions avec un énorme succès. Ensuite, parlant de changement, nouveau réalisateur pour Les Pays d'en haut. La réalisation de la quatrième saison, qui comprendra 10 épisodes, a été confiée à Yann Lanouette-Turgeon. Révélé il y a 5 ans grâce au film Roche-Papier-Ciseaux, le cinéaste s'est en outre distingué en réalisant quelques épisodes de la populaire série Unité 9, ainsi que l'intégralité de la série L'Imposteur, nous dit la presse. Rappelons que la réalisation des 3 premières saisons était, était par Sylvain Archambault, hein, sur qui pèse maintenant des allégations de comportement déplacé. Ce dernier a aussi été remplacé sur le plateau de Mensonges, dont Francis Leclerc signe maintenant la réalisation. Le tournage des prochains épisode des Pays d'en haut, oui, commencera au mois d'août. On va à Radio-Canada, on reste à Radio-Canada en fait avec un talk show du monde animal qui s'en vient. Un talk show donc sur les animaux, les poilus, qui sera animé par le docteur Sébastien Foury, déjà à la barre des séries Animaux et Brigade Animaux. Il passera 30 minutes avec une personnalité pour parler de son lien et de ses expériences avec les animaux. Il se prêtera aussi à des jeux à travers lesquels on apprendra à mieux connaître les animaux, leur habitat, leur alimentation, leur comportement et plus encore. Différents collaborateurs se joindront au docteur pour participer à des segments. La formule sera l'occasion de découvrir mille et un secrets sur les animaux domestiques ou exotiques, style. Les poilus, ce sera 13 émissions de 30 minutes diffusées cet été à Radio-Canada. Ensuite de ça, toujours au Québec, et on va à Télé-Québec cette fois-ci, une série animée sur les légendaires en primeur nord-américaine à Télé-Québec qui annonce que dès la semaine de relâche, les jeunes téléspectateurs pourront suivre en primeur nord-américaine les aventures des légendaires, 5 super-héros redevenus enfants à la suite d'un combat contre les forces maléfiques. Tirée de la bande dessinée à succès du même nom, la série sera diffusée en primeur du 3 au 11 mars, tous les jours à 10h, puis du 17 mars au 9 septembre, les samedis et dimanches à 10h. À Légendaire, donc, ces cinq super-héros séparés depuis leur dernier affrontement contre le sorcier noir du monde d'Alicia, où ils ont fait une erreur qui a transformé tous ses habitants en enfants. Malheureux de leur sort, Danaël, Jadina, Razia, Chimie et Griff ont alors pris des chemins différents, mais Danaël, leur chef, a entendu parler de moyens de dissoudre le sort et de ramener l'équilibre. Pour y arriver, ils devront reformer leur équipe et mettre leurs forces en commun. Réalisé par Prakash Topsy et scénarisé sous la direction de Didier Lejeune, supervisé par Patrick Sobral. C'est développé par les équipes de TF1 et de Widow Productions. Les épisodes sont entièrement conçus en France. Ensuite, on reste au Québec avec Rick et Morty. Tout le monde parle de Rick et Morty sur l'internet anglophone depuis des années. Et bien enfin, hein, on a flairé le succès. Et c'est Télétoon la nuit qui va présenter la version doublée au Québec. Donc au printemps, Télétoon la nuit proposera à ses téléspectateurs le dessin animé pour adultes Rick and Morty. La série animée humoristique suit les mésaventures de Rick, un scientifique alcoolique et sociopathe qui entraîne Morty, son petit-fils perturbé et facilement influençable, dans des aventures interdimensionnelles ultra dangereuses. Après avoir été absent pendant presque 20 ans, Rick débarque soudainement chez sa fille Beth, qui l'accueille chez elle à bras ouverts, au grand désespoir de son mari Jerry. C'est que l'arrivée de Rick risque de changer bien les choses dans la maison et dans la famille. Étant l'homme le plus intelligent de l'univers, celui-ci transforme le garage en laboratoire pour créer des gadgets de toutes sortes. Le hic, c'est qu'il implique Morty et sa sœur Summer dans ses projets plus fous les uns que les autres. Au Québec, les voix seront Sylvain Etu dans le rôle de Rick Sanchez, Philippe Martin jouera Morty Smith, ensuite Denis Roy, Élise Marquis, oh ma belle Élise Marquis, jouera le rôle de Beth, Catherine Brunet, que j'adore aussi, qui jouera Summer Smith, Violette Laveau, Julie Burrows, Paul Sarrazin, et Patrick Chouinard doubleront les rôles secondaires du dessin animé. Ensuite, on va aux États-Unis. Il n'y a aucune nouvelle canadienne, vous aurez remarqué. Midnight Texas, oui, reviendra pour une deuxième saison, mais avec du changement. Donc, changement de showrunner et départ d'acteurs sont au programme de la saison 2 de Midnight Texas, qui arrivera prochainement sur NBC. Beaucoup de changements, et c'est probablement pour ça qu'NBC a pris autant de temps pour l'officialiser. Lancée l'été dernier, la série fantastique basée sur les romans de Charlene Harris va donc changer de showrunner et perdre des acteurs au passage. Ainsi, Monica Ousou-Breen va quitter son fauteuil pour se consacrer à d'autres projets. Pour diriger la série et également faire office de producteur exécutif, place à Eric Carmelo et Nicole Snyder, jusqu'ici producteur consultant sur l'émission et créateur de la série Ringer. Ensuite, Sarah Ramos, jouée par Sarah Ramos, qui joue Creek Lovell, et Yul Vasquez, qui joue Emilio Sheehan, ne devrait plus être au casting en tant que régulier. L'espoir des équipes serait qu'ils soient tout de même présents en invité dans leur rôle. Le reste du casting, normalement, devrait être de retour, notamment François Arnault, Dylan Bruce, Parisa Fitz-Henley, Ariel Keble, Jason Lewis et Peter Mensa. Important succès d'auditoire l'été dernier, Midnight Texas s'intéresse dans ses 10 premiers épisodes à Manfred, un puissant médium qui arrive dans la ville tranquille qui donne son nom à l'émission, donc Midnight au Texas, et découvre qui habite des humains douteux et des créatures surnaturelles comme des vampires et des sorcières. La date d'arrivée de la saison 2 n'est pas encore connue. On reste aux États-Unis avec Fox News qui devrait lancer un service de streaming seulement pour les super fans, avec les plus grandes personnalités de Fox News Channel, hein, dont Sean Hannity et plusieurs autres. Fox News a donc annoncé qu'ils vont lancer Fox Nation, un service par abonnement ciblant les super fans pendant le quatrième quart de cette année. Ce sera une expérience différente de Fox News la chaîne, et ce serait pas la même programmation qui apparaît sur cette chaîne, mais ça mettrait quand même en vedette plusieurs des personnalités et animateurs de Fox News, un peu comme Fox News Radio a les mêmes personnes que Fox News Channel, mais pour mêmes heures et complètement différentes comme émission. Bref, Fox News dit que le service va plonger dans les grands sujets de la journée pour livrer un contenu en streaming quotidien et des émissions de longue forme, donc documentaires et autres, disponibles pour ses abonnés. Et ils auront, les abonnés, accès aussi à deux décennies d'archives de Fox News. On ne sait pas encore si l'ancienne émission de Bill O'Reilly va être là. Hein? Fox Nation n'aura pas de publicité, en tout cas au début, et les prix seront annoncés plus tard. Donc Fox Nation. Ensuite, on va chez nos amis de TBS. TBS, chaîne humoristico-populaire, je dirais. Qui va diffuser la nouvelle série Final Space sur Reddit avant de la diffuser à la télé. Donc un nouveau dessin animé de TBS nommé Final Space va essayer de poursuivre les fans de Rick and Morty dont on parlait tantôt, avec une première en live stream sur Reddit. Donc une campagne publicitaire sur Reddit pour donner aux téléspectateurs un avant-goût de cette émission de science-fiction animée 2 semaines avant son début à la télé. C'est la première fois qu'une émission de télé va streamer sur Reddit, un site où des milliers de gens dans des communautés très serrées. C'est plus de 50 millions de visiteurs américains mensuellement selon ComScore. TBS aurait pu streamer Final Space créé par Alan Rogers sur Facebook, Twitter ou YouTube, mais Reddit, les gens qui sont sur Reddit sont connus comme étant de grands fans vraiment intenses, et le réseau sœur de TBS, Cartoon Network, a cultivé une assez bonne communauté pour la série Rick and Morty, qui a plus de 750 000 fans sur Reddit, donc ils voulaient atteindre un peu le même public. Final Space, qui est très anticipé depuis que Rogers a posté le pilote justement sur YouTube en 2016, ça a été conçu bien avant ça dans une autre itération nommée Gary Space, mais maintenant ça s'appelle Final Space. Ensuite de ça, toujours aux États-Unis, le reboot de la série Magnum, qu'on connaît des fois sous le nom de Magnum P.I., recrute Jay Hernandez pour remplacer Tom Selleck. CBS a recruté l'acteur Jay Hernandez, qu'on connaît pour Suicide Squad, pour incarner Magnum dans le reboot. L'an dernier, CBS officialisait la mise en marché d'un reboot de la célèbre série. La première question qui se posait était donc qui allait remplacer la moustache de Tom Selleck, qui a joué le rôle entre 1980 et 1988. Et bien, c'est Variety qui a sorti le nom de Jay Hernandez. On le connaît pour Suicide Squad ainsi que Bad Moms, la série Gang Related, et plus récemment The Expanse et Scandal. C'est lui qui va jouer le rôle de Thomas Magnum. L'homme est un ancien Navy SEAL, on parle de l'acteur ici, décoré, qui, après être revenu d'Afghanistan, non, c'est pas l'acteur, c'est le rôle. Donc, le rôle de Navy SEAL décoré qui, après être revenu d'Afghanistan, réutilise ses talents militaires en tant que détective privé. Voilà. CBS qui a donc décidé de moderniser l'émission, puisqu'à l'origine, le héros est un ancien du Vietnam, mais le reste devrait être similaire. Le personnage de Higgins, incarné par John Hillerman dans la série d'origine, sera une femme, cette fois-ci, visiblement. Une agente désavouée du MI6 du nom de Juliette Higgins. Reste à voir qui sera dans ce rôle-là. C'est un parmi d'autres, un parmi de nombreux reboots en ce moment à la télé. Plusieurs sur CBS, justement. Hawaii Favo et MacGyver, en ce moment, sont en onde. Et justement, CBS a commandé des épisodes pilotes pour des séries qui sont aussi des retours. On en parlait il y a quelques semaines pour Murphy Brown. Il y avait aussi Cagney and Lacey et LA Confidential. À la croisée des mondes maintenant, l'adaptation en série refait par les Dell. Et là, on va à l'international pour aller parler de BBC, qui semble enfin mettre en chantier l'adaptation des séries des romans de fantastique à la croisée des mondes. Après la première trilogie de romans et l'échec de l'adaptation en film de La Boussole d'Or en 2007, les fans de la saga à la croisée des mondes, en anglais His Dark Materials, devaient probablement se dire que l'aventure était terminée pour l'univers culte créé par Philip Pullman. Finalement, l'an dernier, l'auteur a publié le premier tome, nommé La Belle Sauvage, d'une nouvelle trilogie préquelle, donc qui se passe avant, c'est The Book of Dust, et aujourd'hui c'est l'adaptation en série télé évoquée depuis 2015 qui semble enfin vraiment sur les rails. C'est un tweet de la société de production Bad Wolf, relevé par le site IO9, qui indique clairement que maintenant que leur travail sur une autre adaptation, à savoir Discovery of Witches, est terminé, il est temps de passer à celle de His Dark Materials. Et pour plus de détails, à commencer par une date où le casting va falloir attendre un petit peu. Bad Wolf, qui est notamment chapeauté par la productrice Julie Garner, notamment connue pour son travail sur Doctor Who, et Jack Thorne de la série Skins, devait aux dernières nouvelles être en charge de l'écriture de cette future série de la BBC. De nombreux mois ont passé depuis cette annonce et rien ne dit que les plans n'ont pas changé en cours de route. Publié en 95, 97 et 2000, les trois tomes de la Croisée des mondes suivent notamment Lyra et Will, des enfants qui vivent des aventures en traversant des mondes parallèles entre créatures fantastiques, magie et autres démons. L'œuvre est notamment connue pour son propos assez anti-religieux. Ensuite, on va sur Netflix pour découvrir le remake, la réinvention de Benji, le petit chien. Donc, un classique, Benji, le sympathique chien du film du même nom en 1974. Si vous avez aimé ce fameux Benji, ben vous allez le revoir. Ça va être disponible à partir du 16 mars. Ça a été écrit et réalisé par Brennan Camp, fils de Joe Camp, qui a écrit et réalisé l'original. Donc, un chien déterminé vient sauver la mise et aide une famille brisée à se retrouver quand un jeune garçon et sa sœur affrontent de graves dangers. Carter et Frankie sont joués par de jeunes visages familiers. Gabriel Bateman de la série ou un film, je sais pas, Stalker, et Darby Camp de Big Little Lies, ça, je sais que c'est une série, vont jouer respectivement ces deux rôles-là. Jared Haynes, Angus Sampson et Will Rother sont également au casting. Évidemment, on dira rien de plus sur Benji parce que ça pourrait briser des punches. Donc Benji avec les frères et sœurs et leur mère jouée par Kelly Sanchez de la série Lost. C'est la suite de Benji sur Netflix. Toujours chez Netflix, Sword Art Online, une série avec des humains sur Netflix par l'auteur de Altered Carbon, qui fait quand même un grand succès. Altered Carbon sur Netflix, une des séries qui fait le plus parler. Une histoire de science-fiction qui se déroule dans un futur lointain où l'esprit humain peut être transporté dans un autre corps pour vivre éternellement. L'auteur de la série dystopique. C'est écrit dystopique dans l'article, mais je pense que ça, c'est une autre chose. C'est comme, c'est quoi, c'est la fin du monde sur une plage, je pense. Hein? Bref, la série dystopique Altered Carbon, Leta Kalogridis, a récemment annoncé qu'elle allait écrire et produire une adaptation avec des humains de Sword Art Online, un célèbre manga et animé qui tourne autour de l'histoire de personnages entrant dans un jeu de réalité virtuelle pour combattre des monstres et des ennemis. Ils vivent dans un environnement futuriste où la technologie de la réalité virtuelle vous transporte dans un monde VR alternatif qui recrée la plupart de vos sens. Bien que ce type de technologie ne soit pas encore réel, il se pourrait que dans un proche avenir où se déroule Sword Art Online en l'année 2022, que ce soit possible. L'an dernier, Sword Art Online a présenté sa première expérience de réalité virtuelle avec le casque Fove Zero VR et maintenant la série en version humaine arrive sur l'une des plateformes de médias les plus populaires avec Netflix. On surveillera ça. On va sur YouTube maintenant, qui dévoile un teaser de Cobra Kai, la suite en série de Karate Kid, dont on a parlé plusieurs fois à l'émission. Donc YouTube qui veut continuer dans le contenu original, et puis on dévoile maintenant la première bande-annonce de Cobra Kai, dont Google a racheté les droits l'été dernier. Derrière ce nom se cache une série qui se propose de continuer la saga de films Karate Kid avec les acteurs originaux Ralph Macchio et William Zabka. Pourquoi pas? Leurs personnages de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence ont assurément vieilli et changé en 30 ans, mais leur rivalité semble toujours la même. Dans cette suite, il devrait être question de la réouverture du dojo du karaté, le dojo de karaté Cobra Kai par Lawrence, tandis que LaRusso a dû gérer sa vie sans l'aide de son mentor, M. Miyagi. Entre des mondes du passé et du présent, nos deux personnages vont forcément devoir en arriver au poing et au pied dans le visage. Le premier film Karate Kid est sorti en 84. Il a été suivi de deux autres films réalisés toujours par John G. Avildsen et écrit par Robert Mark Kamen. En 94, une nouvelle version avec une nouvelle équipe qui était une suite, tandis qu'en 2010, c'est un désormais traditionnel remake, voilà, avec Jackie Chan qui a été créé. La date de sortie exacte de Cobra Kai n'est pas connue, mais ces 10 épisodes de 30 minutes arriveront cette année sur le service YouTube Red, lancé fin 2015 aux États-Unis, qui est toujours pas disponible ici, hein. Ensuite, c'est tout. C'est tout pour Television. Le prochain article ouvert, c'est la prochaine pièce musicale. On s'en va entendre la trame sonore du jeu Dive Star Path, qui est maintenant disponible. C'est par Nick Barreggio. On écoute la pièce qui ouvre. Est-ce qu'on avait entendu ça? On est rendu à Infinitum, c'est ça. Oui, donc la première pièce, c'est la pièce qui ouvre l'album. Infinitum, tout de suite, au Mathieu Plante Show. Dive Starpath. vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Le sonore de Dive Star Path par Nick Borejo. Pour Monsieur Plancho, ça c'est la pièce Star Path. Avant ça, on a entendu deux autres pièces, Medina et au tout début Infinitum. C'est ça, Dive Star Path, c'est un genre de runner, mais plus un flyer, rempli d'action par Gravity Well Studios, les aventures de Diver Juno dans l'espace, et la trame sonore qu'on est composée de 8 pièces que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister et on commence en parlant d'amour, quand l'amour brise les cœurs. Quand une histoire d'amour prend fin, ça peut faire mal et si la douleur ressentie se limite généralement à une souffrance psychologique, il peut arriver qu'elle devienne littéralement physique. C'est ce qu'on appelle avoir le cœur brisé. Alors, s'il s'agit de parler d'amour, deux clans se forment ou s'affrontent, celui des romantiques et celui des pragmatiques. D'un côté, de grandes déclarations enflammées, des initiales gravées dans l'écorce d'un arbre, des pour toujours, etc., etc. Et de l'autre côté, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que je raconte? C'est un article écrit au jeu, puis j'ai pas regardé alors. Bref, dans les années 90, des cardiologues japonais ont diagnostiqué pour la première fois une pathologie qu'ils ont surnommée le Takotsubo. Le nom vient d'un pot de céramique qui sert aux pêcheurs à piéger les poulpes, et qui rappellerait la forme que prend le cœur lorsqu'il se brise. Bref, on parle plus facilement du syndrome du cœur brisé que les médecins qualifient de cardiomyopathie. Le ventricule gauche se bloque, il gonfle alors comme un ballon, provoquant une douleur thoracique, une sensation d'oppression et des difficultés respiratoires notamment. Des symptômes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux d'un infarctus. Seule une IRM complète et des analyses sanguines révélant un taux élevé de troponine peuvent permettre de poser le bon diagnostic. Une étude menée sur 1750 patients a permis de cerner un peu plus les mécanismes de la maladie et de confirmer que dans près de 30% des cas, le syndrome du cœur brisé résulte bien directement d'un choc émotionnel provoqué par exemple par une rupture amoureuse. La perte d'un être cher ou un conflit familial peuvent aussi constituer des éléments déclencheurs. Dans 9 cas sur 10, les patients sont des femmes et dans 80% des cas, des femmes de plus de 50 ans. Mais comment le cœur peut-il en venir à se briser? Les spécialistes expliquent que tout est une question d'hormones, d'adrénaline plus particulièrement. Cette hormone se libère en situation d'émotion intense avec pour effet, entre autres, de contracter les petits vaisseaux sanguins et d'accélérer le cœur, jusqu'à le paralyser parfois. Et contrairement à ce qui était imaginé jusque-là, le taux de mortalité s'élèverait à 3,7%, donc proche de celui d'une crise cardiaque à 5,3%. Quant aux patients qui s'en relèvent, certains spécialistes estiment qu'ils devraient être suivis aussi régulièrement que des malades qui souffriraient d'une insuffisance cardiaque. Justement, parlant de cardiaque, on va parler des yeux. Avec l'intelligence artificielle de Google qui peut prédire les maladies cardiaques. En étudiant les vascularisations de l'œil, cet algorithme peut découvrir si un patient sera sujet à des problèmes cardiaques et peut également déterminer avec précision son sexe et même savoir si la personne fume ou pas. Donc, l'intelligence artificielle mise au point par la société Google et Verily, une autre filiale de Alphabet, la maison mère de Google, dédiée à la santé et aux biotechnologies, 7 de leurs chercheurs ont collaboré pour mettre au point ce système qui a fait l'objet d'une publication dans la revue Nature. Analyser et prédire la santé cardiaque d'une personne n'est pas vraiment nouveau. Ça pouvait déjà être réalisé grâce à des analyses sanguines. Le procédé mis au point par Google et Verily est quant à lui basé sur un algorithme entraîné par l'analyse des données de santé de 300 000 patients. Elles incluaient les scanners du fond de leur œil, mais aussi des données plus générales sur leur état de santé. Les modèles ont alors mis en corrélation certains signaux présents dans les scanners des yeux et les autres données pouvant indiquer un risque cardiovasculaire chez le patient. Le système est arrivé à un taux de fiabilité de 70%, presque similaire à celui obtenu par les méthodes actuelles, selon The Verge. Mais le pouvoir de divination de l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là. Elle peut aussi déterminer si la personne est un homme ou une femme, quel âge a-t-elle et même si elle fume. Bien qu'elle accélère drastiquement l'analyse des risques, cette méthode reste toutefois encore au stade expérimental. Elle doit désormais être testée de manière clinique et concrète avant de pouvoir prétendre à une généralisation auprès des médecins et dans les hôpitaux. Ensuite, peut-être que les virus jouent un rôle dans le diabète. Des chercheurs ont trouvé que les virus produisaient des molécules proches de l'insuline et capables de stimuler des cellules humaines. Cette découverte pose de nombreuses questions sur l'origine de certaines maladies comme le diabète ou le cancer. Dans cette étude, des chercheurs du Joslin Diabetes Center à Boston ont voulu savoir si les micro-organismes pouvaient produire des peptides ressemblant à l'insuline. En cherchant dans les bases de données de génomes viraux, ils ont trouvé 4 virus qui possédaient des séquences ressemblant à l'insuline. Ces virus proviennent d'une famille connue pour infecter des poissons et des amphibiens, mais pas spécialement des humains. Les chercheurs ont donc produit ces peptides viraux et ont trouvé qu'ils se liaient au récepteur de l'insuline humain ainsi qu'au récepteur d'une molécule proche, l'IGF-1, pour Insulin-like Growth Factor 1. Les molécules stimulaient les voies de signalisation intracellulaire généralement activées par l'insuline et l'IGF-1. Si les peptides étaient injectés à des souris, leur glycémie baissait, ce qui montre qu'ils avaient le même effet que l'insuline. L'analyse de base de données de virus de l'intestin humain suggère que nous pourrions être exposés à ces virus, comme le souligne dans un communiqué Ronald Kahn, un des auteurs de ces travaux, je cite « Il est possible que les humains soient exposés à ces virus en mangeant du poisson. » Pour le chercheur, cette découverte pourrait ne représenter que la partie émergée de l'iceberg, tellement le nombre de virus infectant l'homme est important, je cite encore « On pense qu'il y a plus de 300 000 virus pouvant infecter ou être transportés chez les mammifères et seulement 7500 d'entre eux, ou environ 2,5% ont été séquencés. Ainsi, nous nous attendons certainement à trouver beaucoup plus d'hormones virales, y compris plus d'insuline virale, à l'avenir. » Ces résultats posent de nombreuses questions sur l'origine du diabète. Des molécules microbiennes analogues à l'insuline favoriseraient-elles une réaction auto-immune dans le diabète de type 1? Ou à l'inverse, les insulines virales ont-elles un rôle protecteur? Ces molécules pourraient aussi jouer un rôle dans des cancers. Si les virus présents dans l'intestin produisent des molécules proches de l'insuline, stimule-t-il la croissance des cellules intestinales et favorise-t-il des polypes ou des tumeurs intestinales? Enfin, ces travaux pourraient trouver des applications dans la production de nouvelles insulines. Et finalement, un hybride homme-mouton a été obtenu en laboratoire. Lors d'un congrès à Austin, au Texas, un chercheur de l'Université de Californie a annoncé la création d'une chimère homme-mouton contenant 0,01% de cellules humaines. C'est le deuxième hybride controversé de ce genre après la chimère homme-cochon dont on a parlé en 2017 dans cette chronique. En France, en 2016, 5891 greffes ont été réalisées, tandis que plus de 22 000 patients étaient en attente d'une greffe d'organes, d'après l'Agence de biomédecine. Des chercheurs tentent de trouver des solutions à ce problème, par exemple avec l'impression d'organes en 3D. Mais peut-être que l'avenir était dans les dons d'organes fabriqués par des animaux hybrides. Pas des dons d'organes, juste des organes. En 2017, donc, des chercheurs du Salk Institute à La Jolla, aux États-Unis, avaient déjà réussi à une première mondiale en créant une chimère homme-cochon. Ils avaient injecté des cellules souches humaines dans un embryon de cochon. Environ une cellule sur 100 000 de l'embryon chimère était humaine, ce qui paraît très peu. Bref, lors du congrès scientifique à Austin, au Texas, Pablo Ross de l'Université de Californie à Davis a annoncé que son équipe avait obtenu une chimère homme-mouton dans laquelle environ une cellule sur 10 000 était humaine. Mais le chercheur explique, je cite, « Nous pensons que c'est pas encore assez pour générer un organe. » D'après le National Geographic, le développement de ces embryons hybrides a été arrêté à 28 jours. Pour que de tels travaux se poursuivent à l'avenir, il faudra nécessairement que la question éthique soit abordée. Les chercheurs devront apporter des garanties pour s'assurer que les cellules humaines ne se retrouvent pas au niveau du cerveau ou des organes sexuels. Voilà pour Merci Science. Maintenant, on va entendre des simples, comme j'appelle, c'est-à-dire des chansons qui ne sont pas dans un bloc, comme tout ce qu'on a entendu depuis le début. Alors, on va entendre Drag Scanner avec une courte pièce. C'est Exterminate This, Exterminate That au Mathieu Plante Show. Plasma Temple Zone. Créé pour un jeu fan de Sonic, on avait entendu une première pièce en tout début d'émission. Le jeu s'appelle Hyper Quest 2. Et avant la pause, pas avant la pause, mais juste avant, on a entendu Drax Connor avec Exterminate This, Exterminate That. Donc voilà pour ça, deux pièces en solitaire, mais que j'ai joué ensemble, parce que Colin, elles étaient courtes quand même, les deux. Alors, on va justement continuer avec quelque chose d'autre, mais qui va ensemble. C'est un medley, ça vient de The Runaway 4. C'est le premier album studio de ce groupe de Vancouver. C'est un album en 6. Est-ce que c'est celui-là? Je suis vraiment mêlé aujourd'hui, je m'excuse, je suis vraiment très mêlé. Donc ce qu'on s'en va entendre, c'est du jazz, metal et pop. Voilà, c'est celui-là qu'on s'en va entendre. C'est un hommage à différentes pièces de jeux vidéo, dont plusieurs de Super Mario. Donc c'est par 8-Bit Jazz Heroes. La pièce, l'album s'appelle Press Start, oui. La première pièce s'appelle Plumber's Jump. Voilà. S'en sortir, hein? Ah oui. Là, je la replace. Thank you. 8-bit Jazz Heroes avec leur premier album Press Start. Ça, c'est la pièce, hein, évidemment, Falling Blocks, basée sur Type A du jeu Tetris et la chanson folk russe Korobeiniki. On a entendu Catch the Penguin, basé sur Slider dans Super Mario 64. Et on a commencé avec Plumber's Jump, basé sur Ground Theme de Super Mario Brothers. L'album, encore une fois, s'appelle Press Start par 8-Bit Jazz Heroes. Donc du jazz, mais de pièces de jeux vidéo. C'était bon, hein? Le prochain album qu'on s'en va entendre, parce que oui, on va continuer en musique, parce que Colin, j'ai mal à la gorge. On écoute Beatmaker Kells avec l'album Positive Vibes. On va entendre trois pièces de cet album-là. En fait, on va entendre les trois premières. Tout à l'heure, Such a Good Night et Say Goodbye, mais on commence avec Morning. Tout de suite. Oh, Mathieu Plante, chaud. We'll be right back. 969FM. Positive Vibes de Beatmaker Kells. On a entendu 4 pièces. C'était At Last avant Imagine, Such a Good Night et Morning pour débuter tout ça. Maintenant, toujours au Mathieu Plancheau, c'est le segment Geek Scenix. Cedix, c'est la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On commence en avancée technologique avec un Japonais qui invente un écran à Dell comparable à une seconde peau. Un écran ultra fin, souple comme un pansement qu'on peut se coller sur la main pour recevoir et envoyer des messages. C'est l'invention d'un universitaire japonais qui rêve de l'avoir utilisé notamment dans le domaine de la santé. Un article de l'agence France Presse. Le dispositif d'un millimètre d'épaisseur permet au patient de communiquer les données médicales à son médecin resté à distance, selon l'inventeur Takao Someya, professeur à l'Université de Tokyo. Collé sur la paume ou à l'arrière de la main, l'appareil pourrait également servir à envoyer des messages aux patients afin qu'ils n'oublient pas de prendre un médicament ou bien permettre aux petits-enfants éloignés de communiquer avec leurs grands-parents. Si vous le mettez à même la peau, vous avez l'impression qu'il fait partie de votre corps, dit-il. Lorsqu'on envoie des messages à votre main, cela vous rend émotionnellement plus proche de l'expéditeur. L'universitaire souligne que son invention s'avérerait particulièrement utile dans un Japon vieillissant car elle permettrait de mettre en place une surveillance continue et non invasive des personnes âgées dépendantes. L'image ou les messages s'affichent sur une grille de 16 x 24 micro-Dell reliée par des câbles élastiques et enchâssée dans une feuille de caoutchouc. Il comprend également un capteur ultra-léger et un système de communication sans fil. Comme l'appareil est étirable, il permet de coller un écran sur des choses à la surface complexe comme la peau. Alors on peut la garder sur la peau une semaine sans provoquer d'inflammation et c'est tellement léger que les utilisateurs peuvent l'oublier. Il pourrait être utilisé par des sportifs pour prendre connaissance de leur rythme cardiaque ou vérifier leur itinéraire pendant les courses ou bien par des salariés qui pourraient lire les consignes d'utilisation directement sur leurs mains tout en travaillant. L'appareil développé en partenariat avec le géant japonais de l'impression Dai Nippon sera présenté à la rencontre annuelle de l'Association américaine pour l'avancement de la science au Texas et ça pourrait être commercialisé d'ici 3 ans. Ensuite, en électronique comestible, comment graver un circuit sur une noix de coco? Est-ce qu'on va un jour manger des circuits électroniques? C'est ce que nous demande Futura Science. Des chercheurs proposent de graver des motifs en graphène, matériau conducteur, à la surface des aliments. Les produits se voient alors décorés d'une étiquette originale qui fournit toutes sortes d'informations sanitaires aux consommateurs et plus encore. Les chercheurs de l'université Rice au Texas n'ont pas tout à fait l'intention de truffer notre nourriture de capteurs. Par contre, leurs composés électroniques comestibles sont en réalité de simples motifs en graphène, un matériau phare des composés électroniques dessinés sur des aliments. Comme le graphène conduit le courant, ces motifs ou tags, ce qu'on appelle les marques souvent, peuvent faire office d'étiquettes électroniques ou de capteurs indiquant où et quand le produit a été fabriqué ou encore s'il contient des bactéries dangereuses pour la santé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la technique utilisée par les chercheurs ne consiste pas à imprimer des tags en graphène sur les aliments comme on imprimerait un dessin avec de l'encre sur une feuille. Il ne s'agit pas non plus d'un tour de magie, même si ça y ressemble. En effet, le procédé baptisé LIG pour Laser Induced Graphene, donc un graphène produit par laser, consiste à transformer une fine couche de matériau cible, un morceau de noix de coco dans ce cas-ci, en graphène grâce à un laser. Car tout matériau, soulignent les chercheurs, peut être ainsi transformé en graphène. Pardon, Colin. De la misère avec la gorge aujourd'hui. Donc, en graphène, oui, on va recommencer ça. Tout matériau peut être transformé en graphène à travers le LIG, pour peu qu'il contienne la bonne quantité de carbone. Rappelons que le graphène n'est rien d'autre que du carbone sous forme de cristal bidimensionnel. Je me sens comme Pierre Bruno. Pour graver des tags sur les aliments, nul besoin de conditions de laboratoire particulières. Le LIG fonctionne à une température ambiante et à l'air libre. Le chimiste James Thor et son équipe expliquent plus en détail le principe et les applications du LIG dans la revue ACS Nano. Les chercheurs sont parvenus à graver des tags au LIG sur du papier, du tissu, du charbon et sur certaines denrées alimentaires comme une rôtie, une noix de coco ou des pommes de terre. Le procédé marche particulièrement bien, remarquent les chercheurs, à la surface des aliments contenant beaucoup de lignine, un composant essentiel de la membrane cellulaire des plantes. En effet, dans le cadre de la technologie LIG, la lignine sert de précurseur au carbone et donc au graphène. La coque des noix de coco, notamment, est riche en lignine, tirant parti de cette caractéristique. James Thor et ses collègues ont gravé un supercondensateur microscopique sur une noix de coco. Un supercondensateur étant un composant électronique à mi-chemin entre une batterie et un condensateur classique, capable de stocker de l'électricité. Les chercheurs envisagent également de créer par le même procédé des radio-étiquettes ou des RFID, comme on appelle souvent en anglais, pour Radio Frequency Identification. Ces étiquettes électroniques stockent les informations et les émettent grâce à une petite antenne, ce qui permet l'identification et le traçage des produits alimentaires depuis leur lieu de production jusqu'à l'assiette. Enfin, les tags LIG utilisés en tant que capteurs pourraient détecter une éventuelle contamination des aliments par des micro-organismes comme le colis. Les tags pourraient s'allumer afin de prévenir le consommateur que le produit n'est pas comestible. Les tags s'inscrivent dans un champ de recherche prometteur et d'avenir, c'est l'électronique comestible, imprimable, biodégradable ou encore flexible. Ainsi, les chercheurs de l'université Rice ont développé l'électronique comestible, mais d'autres champs d'application sont envisagés, notamment dans le textile. Des capteurs LIG pourraient être intégrés aux vêtements chauffants et autres textiles intelligents. Les chercheurs avant eux, pour leur part, ont dessiné des circuits électroniques avec un stylo à encre conductrice. D'autres ont développé des batteries comestibles pouvant être ingérées sans danger pour une application en médecine. On parle maintenant d'intelligence artificielle et on va chez Google avec une intelligence artificielle capable de rédiger des articles de Wikipédia. Un article publié sur le site de la Cornell University Library montre comment l'équipe qui travaille sur le projet Google Brain développe une intelligence artificielle capable d'agréger les informations et de les compiler dans un texte. Les quelques tests réalisés montrent des résultats de plus en plus probants. Donc, les informations que vous recherchez sur Internet pourraient à l'avenir être écrites par une intelligence artificielle. C'est ce sur quoi travaille l'équipe de Google Brain, un projet de recherche lancé en 2011, dont la technologie est utilisée pour la reconnaissance vocale sur Android ou les recommandations sur YouTube. Les récents essais ont donné naissance à des articles entièrement rédigés par des logiciels. L'intelligence artificielle procède en plusieurs étapes. Elle lance tout d'abord une recherche Google et réunit les informations trouvées dans les 10 premiers sites référencés, sauf Wikipédia évidemment. Elle les met bout à bout et classe les différents paragraphes. Le texte est ensuite codé et traduit. Il ne reste plus au logiciel qu'à recréer et réduire à nouveau les phrases. Il se sert alors de la syntaxe des paragraphes qu'il avait copiés comme modèle. L'équipe Google Brain s'est notamment entraînée à condenser des renseignements sur le site d'aviation Wings Over Kansas. Vous pouvez aller voir l'exemple sur assemblage requis. Le texte rédigé par le logiciel ne rivalise pas avec celui de l'encyclopédie en ligne d'un point de vue synthétique et stylistique. L'intelligence artificielle cherche à lister toutes les données et finit par écrire un article beaucoup trop long. Les phrases s'étendent, les informations s'accumulent et la lecture devient fastidieuse, surtout pour un internaute à la recherche d'une définition concise. Ces quelques erreurs soulignent cependant le souci de dépasser la phrase simple. Le logiciel manque encore de fluidité dans sa rédaction, mais ses performances sont de plus en plus abouties. Un autre point sur lequel travaille Google Brain, c'est la fiabilité de l'information. S'appuyer seulement sur les 10 premiers sites web entraîne le risque de transmettre des renseignements erronés. Évidemment, parce que si c'est sur Internet, c'est pas nécessairement vrai. Maintenant, chez les robots, le cobot serait-il votre prochain collègue? Être opéré à distance, porter un exosquelette, avoir un compagnon robotique à ses côtés au travail, ça pourrait être bientôt. Après le patrimoine, les territoires, la mobilité, l'intelligence artificielle ou encore les relations humains-machines, le salon futur cobotique révèle ses secrets. Contraction de collaboratif et de robotique, la cobotique est une conception de la robotique qui s'intègre au quotidien et surtout au futur. Alors, on demande si le cobot va être votre prochain collègue. Donc, il a dit que la robotique industrielle était réservée aux grands industriels fortunés. Certainement pas MIP Robotics, pro de la robotique collaborative, qui propose un bras mécanique programmable sans compétences informatiques particulières, soit des robots simples d'utilisation, faciles à mettre en place en entreprise et peu coûteux même pour les PME. Le The Punishment est une installation présentant un robot exécutant inlassablement une punition préventive pour son éventuelle future désobéissance. Pour les connaisseurs, c'est une référence aux lois de la robotique d'Isaac Asimov. L'article pour rapport. L'installation est créée par l'artiste français Philippe Villas-Boas et l'architecte Paul Coudamy. Ça, c'était The Punishment. Ensuite, Real Time Robotics, un écran gravité zéro. L'ECA est un petit robot ludique conçu pour aider à stimuler les enfants rencontrant des troubles du développement, donc autisme, trisomie, polyhandicap. Il vient en soutien des éducateurs et parents qui croient au pouvoir du jeu pour faire progresser leur enfant. Ensuite, Ariel Coboticus, c'est créé par deux jeunes ingénieurs. C'est une société de design et de fabrication de drones de télémanipulation, donc l'association de drones de conception industrielle et un bras robotisé. Ariel Coboticus a pour objectif de rendre accessibles toutes les zones de travail. Ensuite, le ICBot, la robotique facile au cœur de l'industrie du futur. ICBot ou EasyBot, voilà, conçoit des robots collaboratifs. Grâce à ses qualités mécaniques, il apporte une compétitivité et attractivité sur des opérations manuelles réputées non automatisables. Sans modification de l'environnement de travail, leur cobot interactif améliore la productivité au poste tout en réduisant la pénibilité pour l'opérateur. Toujours en cobotique, ICIR, robot des labos. Chirurgie, rééducation, industrie, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique est un laboratoire qui met la recherche en cobotique au service de secteurs variés. Et pour terminer dans ce segment sur la cobotique, PSA, Peugeot, Citroën et Minparitech, l'intelligence artificielle au service de la robotique, donc la reconnaissance des gestes des opérateurs sur une chaîne de montage. Ça, c'est grâce à PSA, Peugeot, Citroën et Minparitech. Voilà pour la cobotique qui est le futur apparemment. On va maintenant sur Tinder et bientôt les femmes passeront en premier. On dit les femmes d'abord des fois. Donc sur l'application de rencontre, il suffira plus de matcher pour commencer à discuter. L'application s'apprête à introduire la possibilité pour les femmes de choisir ou non de démarrer une conversation, comme le proposent déjà plusieurs autres applications à la Bumble et autres. Donc le principe du Ladies First arrivera dans une prochaine mise à jour, mais nécessitera de paramétrer son compte parce que ce sera pas comme ça par défaut. Serait-ce l'aveu de Tinder que les mecs sont un brin lourdingue avec la majorité des filles avec qui ça match. On connaît les dick pics et autres trucs comme ça, les petites phrases d'approche qui sont plutôt douteuses. Donc l'appli de rencontre semble reconnaître qu'il faudra offrir davantage de protection aux femmes inscrites sur son réseau social. Grâce à une nouvelle option leur permettant de choisir ou non d'engager la conversation, elles auront bientôt la maîtrise de l'entame et non d'une relation. Donc une nouvelle option réservée aux femmes seulement devrait être activée pour fonctionner. C'est comme je disais tantôt un succès pour Bumble, chez qui l'option est activée par défaut. Bumble revendique aujourd'hui 26 millions d'utilisateurs, dont beaucoup de femmes qui apprécient grandement de pouvoir choisir avec qui parler. En cette période, évidemment, post-accusations multiples d'inconduite sexuelle, la patronne de Tinder se dit très sensible à offrir le plus de garanties possibles à ses usagères, bien que téléchargée 7 fois moins. Pardon. Bien que téléchargé 7 fois moins que Tinder sur les 12 prochains mois, Bumble revendique 26 millions d'usagers et grossit très vite grâce à cette promesse de contrôle de la relation proposée aux femmes. Tinder reste de loin leader sur le marché des applications de rencontres, avec plus de 100 millions de téléchargements et 3 millions d'utilisateurs payants. C'est 30% des revenus de sa maison mère, Match, qui a un temps songé à racheter Bumble. Avec cette mise à jour qui s'en vient, Tinder intégrera désormais l'option qui a fait le succès de sa concurrente. Voilà. Et pour terminer, parlons de Sonic. Déjà qu'on a parlé du film de Mario il y a quelques semaines, pas le choix de faire la mention au moins d'un film de Sonic qui s'en viendrait en 2019. Donc toutes les mascottes emblématiques du jeu vidéo semblent devoir poursuivre leur carrière au cinéma. En tout cas, c'est ce que dit The Hollywood Reporter, qui confirme l'arrivée d'un long métrage centré sur les aventures du hérisson bleu, datant même au 15 novembre 2019. C'est un léger retard en passant parce que le film était à l'origine attendu pour Noël 2018 lors de son annonce qui remonte, elle, à février 2016. Peu d'infos ont véritablement filtré sur cette mise en image du hérisson dont une partie de la production échoit à Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, avec Jeff Fowler derrière la caméra. D'après les premiers éléments, le film devrait mélanger images de synthèse et prises de vue réelles à l'image des Schtroumpfs. Hein, et de Détective Pikachu qui s'en vient, lui, en mai 2019. Voilà pour le bloc CNX. On retourne en musique. Hein, allez entendre, j'ai parlé de ça tantôt, j'avais mentionné qu'on allait entendre un groupe de Vancouver. C'est leur premier album solo, premier album studio, pardon, de The Runaway Four. C'est un album en 6 chansons qui, selon Game Music For All, rappelle un petit peu Pink Floyd. Un petit peu. On commence avec une chanson qui porte un titre qui est un excellent jeu de mots. This game is broken, comme broken, mais aussi baroque. Hein, c'est mal. Donc voici The Runaway 4 tout de suite dans le Mathieu Plante Show. Thank you. avec This Game is Broken. Tantôt, j'ai dit que ça ressemblait à du Pink Floyd selon, selon l'article de Game Music for All, mais non, c'est faux. Hein? C'est plutôt le type d'album à la Pink Floyd qui a seulement une demi-douzaine de pièces, mais qui dure une heure et qui vous fait passer à travers plusieurs genres et émotions. C'est ce que la critique voulait dire. Hein? J'avais pas remarqué que c'est une critique, ça paraît. Un groupe de Vancouver, The Runaway Four. Donc, la pièce s'appelle This Game is Broken. Et dans quelques instants, on va se quitter avec une longue pièce du même album. C'est Boreal Bedlam qui va terminer l'émission dans quelques instants. Mais pour l'instant, c'est le moment de terminer cette édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Si je suis pas malade, hein, parce que je le sens venir dans ma gorge. J'aime aussi Assemblage Rocky en compagnie de Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Consultez la programmation sur CIF.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balado-diffusion sur assemblagerocky.com. Restez donc à l'écoute pour Automatique, gens qui écoutaient le mercredi. Hein? Hein? De la part de Frédéric Simon et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté. Ah, bye bye. Thank you.